France Inter. Frédéric Sigrist, votre blockbuster aujourd'hui, c'est le volume 3 des Gardiens de la Galaxie, le dernier film des studios Marvel. Qu'en avez-vous pensé ? Écoutez Mathilde, je pense que quand après 3 films, vous êtes capable d'émouvoir le monde entier avec l'histoire d'un raton laveur de l'espace qui parle et qui a le caractère de Jean-Pierre Vacry, je pense que vous avez réussi votre coup. D'ailleurs, c'est très étrange l'art. Hein. Quand James Gunn, le réalisateur, évoque dans son film l'amitié et la souffrance animale d'un lapin, d'un morse, d'une loutre et d'un raton laveur, je sors de là bouleversé sur 3 génération avec l'envie de devenir vegan. Quand Bruno Le Maire écrit des scènes de sexe, eh ben j'ai envie de rentrer dans les ordres. C'est bizarre. Bon, des films de super-héros, il y en a beaucoup et leur qualité est de plus en plus remise en question. D'ailleurs, il vous est arrivé ici même d'en critiquer certains. Oh oui. Qu'est-ce qui fait que les films de James Gunn semblent être une exception ? L'amour, Mathilde. All we need is love, comme dirait Nelson Montfort. James Gunn aime ses personnages et les acteurs qui les jouent du fond du cœur, et ça se sent. Les films, c'est un peu comme tes enfants, t'es pas obligé de les aimer, mais quand c'est le cas, eh ben ça se voit. Ce troisième volume conclut une trilogie commencée en 2014 et dit adieu à ses personnages de la plus belle et mélancolique des manières. Alors ça constitue la fin d'une équipe, mais aussi la fin d'une époque. Alors que la saga de Thanos et des Avengers s'est pourtant achevée il y a 4 ans, et que depuis on a eu moult films et séries plus ou moins réussies, c'est seulement maintenant, avec ce film, que j'ai vraiment eu le sentiment que cet âge d'or prenait fin. La trilogie des Gardiens de la Galaxie aura été la véritable clé de voûte de l'univers Marvel au cinéma. Car même si ce dernier est apparu avec Iron Man en 2008, Iron Man, ça reste un multimillionnaire mégalo qui se construit une armure neck plus ultra qui vole. C'est un truc qu'Elon Musk ou Jeff Bezos pourraient faire. Sur l'échelle de la science-fiction, on est à peu près dans la banlieue du réel. En plus, Iron Man, Hulk, Thor et Captain America étaient déjà connus du grand public. Par contre, dans les Gardiens de la Galaxie, il y a Rocket Raccoon, Groot, l'arbre qui ne fait que répéter « Je s'appelle Groot », Star-Lord, Gamora et Drax le Destructeur. Là, pour rendre ça accessible au grand public, fallait pas se planter. Hein. Un pet de mouche était dans l'univers du nanar. Et ça, James Gunn l'a bien senti. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a en grande partie recréé l'équipe des Gardiens. Sa version cinématographique des Gardiens de la Galaxie est très différente de la version papier. En faisant de Peter Quill, Star-Lord, le leader des Gardiens, un enfant enlevé sur Terre par des aliens dans les années 80, qui n'a pour seul souvenir de son enfance terrestre qu'un baladeur cassette. James Gunn a pu truffer son long métrage de tubes des années 70 qui contraste avec les couleurs et le côté pop d'une science-fiction pulp décomplexée. On peut croiser mille et une espèces extraterrestres à la peau verte, rose ou avec des plumes. La BO, elle, amène une familiarité toute terrienne et américaine. Car les Gardiens, pour James Gunn, c'est ça. C'est un peu des rednecks. Ceux qu'Anthony Bélanger appelle mes collègues de Sud Radio. James Gunn, qui a débuté sa carrière chez Troma, un studio de films de science-fiction trash et sans le sou, qui a sorti des films irrévérencieux tels que Troméo et Juliette ou le Toxic Avenger. Et bah ça se sent. Les Gardiens de la Galaxie, c'est un peu les super-héros gênants qu'on n'invite pas aux soirées. Des losers toujours à côté, traumatisés et maltraités par la vie, qui parcourraient l'univers dans un même camping-car. Ils se chamaillent, sont souvent stupides, portent leur trauma en baudoulière, mais finissent souvent par sauver le monde pour des raisons qui n'appartiennent qu'à eux. Daniel Morin et Thomas Croisière feraient de très bons Gardiens de la Galaxie. Durant 3 films, James Gunn nous a montré des magnifiques portraits de grands blessés qui ont tous besoin de béquilles pour avancer, mais qui ont su créer une famille recomposée. Et c'est précisément pour ça qu'on les aime. Je ne dirais pas que James Gunn a adapté des personnages Marvel, je dirais plutôt que c'est Marvel qui s'est adapté à James Gunn. Avec Les Gardiens 3, il vient de nous montrer une fois de plus comment capturer un éclair dans une bouteille, mais que Disney se méfie, c'était la dernière fois. James Gunn est parti chez la concurrence sauver Superman, et vu son talent, il a toute ma confiance. Frédéric Sigrist, merci beaucoup pour cette chronique à retrouver sur le site et l'appli France Inter.